Versailles, chaque jour, papa se retire pour faire des cellules dans son grenier. Allez, viens dans le parc, nous pourrons courir. Mais d'abord, je voudrais te dire un secret. Ce matin, une conversation, il paraît qu'à Paris, c'est la révolution. Il paraît qu'on se bat dans les rues. Je ne sais pas pourquoi. Tremble pour moi, dans l'esprit cristal, un cercueil, une rivière sur la cime de mes syllabes. Tremble pour moi, dans le cœur des cités, c'est la lutte des classes. La guerre au silex, tremble bourgeois. Comme mon pain d'eau salée, pris les pieds dans le ciment, une jeunesse décidée. Tremble bourgeois, pour en enlever de zikab. La France gère son patrimoine, elle dégorge dans une cave. Une jeunesse dorée, égorgée dans sa baignoire. Le sérum de vérité, une révolte inévitable. Un décompte, éventré dans son peignoir. Une élite déshéritée, fait de cuir véritable. Quand les énarques dorment comme des loirs, les anards enfin sortent pour l'honneur de leur squat. Qu'on les embarque, allez, droit à l'abattoir. Une boucherie de la sorte où les porcs videront leurs sacs. Les litrons de leur cave, puis le sang de la terre. Dessous son enclave, répand celui du maître. Nous le peuple en esclave qui n'a plus rien à perdre. Autre chose que la foi, c'est par le corps de la tête. C'est par les couilles que l'on pend la classe la plus en selle. Et par le don de leur sang que la bataille se mène. L'omerta, la menace en guise de mise en scène. Pour réciter les grâces, un grand coup de semelle. Tremble bourgeois, lustre en cristal. Un cercueil, une rivière sur la cime de mes syllabes. Tremble bourgeois, dans le cœur des cités. C'est la lutte des classes, on fait la guerre au silex. Tremble bourgeois, comme mon pain d'eau salé. Pris les pieds dans le ciment, une jeunesse décidée. Tremble bourgeois, pour en enlever de zikab. La France gère son patrimoine, elle dégorge dans une cave. Dans ta baignoire, je t'y vois comme j'y suis. En position de faiblesse, à l'instar d'une truie du gris. Sans que tu le saches, ta vie est bien finie. Tous égaux à la naissance, ici, dans les faits prouvent ça. Mis à part que les bourgeois se partent beaucoup plus de gras que moi. A chaque mois c'est jackpot, on fait bouillir la marmite. Mais on goûte qu'à la carotte, on chipote. Fais les comptes en centimes, aucune estime pour un système qui prône le régime. Du pain sec et de l'eau et de temps en temps pour faire beau. Et pour faire rêver le prolo, une médaille d'or à l'euro, au mondial, au JO. Du formol pour cerveau, une baignoire pour tombeau. Les gens qu'on faim veulent ta peau. Donc tu crains ça la note des impôts. Direct, indirect, quelques gouttes dans le dos. Sponsorisé par Boulkiès, ils font miner à caisse. Tant que le peuple reste raisonné, Dieu amène et encaisse. N'oublions pas qu'il fut un temps, les larmes affûtées, transpercer la graisse et ce sans aucune pitié. Et des têtes possédées, et pas que surcédées. Tremble bourgeois, sous le sang cristal, un cercueil, une civière sur la cime de mes syllabes. Tremble bourgeois, dans le cœur des cités, c'est la lutte des classes, on fait la guerre au silex. Tremble bourgeois, comme au pain d'eau salé, pris les pieds dans le ciment, une jeunesse décidée. Tremble bourgeois, pour en enlever de zikab. La France gère son patrimoine, elle dégorge dans une cave. C'est le retour de flamme, celle qui jadis nous imposait le calme par le biais de la justice. Il fut un temps où ta place était délectable, mais la crise te rappelle que ton siège est éjectable. Bourgeois, tu n'es qu'un petit tas de cendres, une espèce qui s'éteint, réduit à feu et à sang. À toi le grand commercial, surveille bien ton ossature, ta politique est ta sociale, ouverte sera la fracture. Tremble bourgeois, sous lustre en cristal, un cercueil, une civière sur la cime de mes syllabes. Tremble bourgeois, dans le cœur des cités, c'est la lutte des classes, on fait la guerre au silex. Tremble bourgeois, dans vos pains d'eau salée, pris les pieds dans le ciment, une jeunesse décidée. Tremble bourgeois, pour en relever de zikab. La France gère son patrimoine, elle dégorge dans une cave. Bourgeois.